fille Karine, qui m'a laissé béton. Elle trouvait que j'étais aussi sale qu'un guepon du rocade. Y'a ma copine Karine qui m'a laissé béton. Elle trouvait que j'étais aussi sale qu'un guepon du rocade. Que bon du regard. Et mes mains pleines de cambouis, à l'intérieur de sa chatte. Elle trouvait ça dégueulasse, la penasse. Y'a ma copine Karine m'a laissé béton. Elle trouvait que j'étais aussi sale qu'un guepon du rocade. Ah yeah, qu'un guepon du rocade. Y'a ma copine Karine qui m'a laissé bête. Elle me disait que j'étais aussi sale qu'un guepon du rocade. Et moi je lui ai dit qu'il y a que les gens sales qui se lavent. Comme dit si bien le tag du rocade. Et moi je lui disais qu'il n'y a que les gens sales qui se lavent. Comme disait si bien le tag du rocade.